grâce, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Même si tout le monde t'a dit que tu as échoué, écoute-moi bien. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, est capable de transformer tes échecs en succès pour la gloire de Dieu. Ne sois pas découragé. Réveille-toi, invoque son nom. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Nous prions dans le nom de Jésus, et par la prière nous croyons que les choses peuvent changer. Nous allons lire Néhémie chapitre 11, 1 à 36. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSP. Lisons notre passage du jour, Néhémie 11, 1 à 36. Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort pour qu'un sur 10 vînt habiter à Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. Voici les chefs de la province qui s'établirent à Jérusalem, dans les villes de Juda. Chacun s'établit dans sa propriété. Dans sa ville, Israël, les sacrificateurs et les Lévites, les Nétiniens et les fils des serviteurs de Salomon. À Jérusalem s'établirent les filles de Juda et des filles de Benjamin, des filles de Juda, Ataja, fille d'Ozia, fille de Zacharie, fille d'Amaria, fille de Shepatia, fille de Mahalaed, des fils de Peretz et Maaseja, fille de Baruch, fils de Koholze, fils de Asaja, fille d'Adaja, fille de Jojarib, fille de Zacharie, fille de Shiloni. Total des filles de Peretz qui s'établirent à Jérusalem, 478 hommes vaillants. Voici les filles de Benjamin. Salu, fille de Meshulam, fille de Joed, fille de Pedaja, fille de Kolaja, fille de Maaseja, fille d'Itniel, fille d'Esaïe. Et après lui, Gabaï et Salaï, 928. Joël, fille de Zécri, était leur chef, et Judas, fils de Senua, était le second chef de la ville. Des sacrificateurs, Jedaéja, fille de Jojarib, Jakin, Seraja, fille de Ilkija, fille de Meshulam, fils de Tsadok, fille de Merajot, fille d'Ashitut, prince de la maison de Dieu, et leurs frères occupés au service de la maison, 822. Adaja, fille de Joja, Jerosham, fille de Pelalia, fille d'Amitsi, fille de Zacharie, fille de Pachour, fille de Malkija, et ses frères chefs de maison paternelle, 242, et Amashai, fille d'Azarel, fille d'Ashija, fille de Meshilemoth, fille d'Imer, et de leurs frères vaillants hommes, 128, Zabdiel, fille de Gedolim, était leur chef. De Lévite Shemaéja, fille de Jashub, fille de Azgrima, fille d'Azrikam, fille de Ashabia, fille de Hubmin, Shabetai, et Josabad, chargé des affaires extérieures de la maison de Dieu, et faisant partie des chefs de Lévite, Matania, fille de Miché, fille de Zabdi, fille d'Azaph, les chefs qui entonnaient la louange à la prière, et Babkia, le second parmi ses frères, et Abda, fille de Shamua, fille de Galal, fils de Jejutum. Total de Lévite dans la ville sainte, 284. Et les portiers Akub, Talmon, et leurs frères gardiens des portes, 172. Le reste d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites s'établirent dans toutes les villes de Juda, chacun à sa propriété. Les Nétiniens s'établirent sur la colline. Ils avaient pour chef Tisha et Gishpa. Les chefs des Lévites à Jérusalem étaient Uzi, fille de Bani, fille de Akabia, fille de Matania, fille de Miché, d'entre les filles d'Azaph, les chantres chargés des offices de la maison de Dieu. Car Il y avait un ordre du roi concernant les chantres et un salaire fixé leur était accordé pour chaque jour. Pétaja, fille de Meshézabel, des fils de Zérak, fille de Judas, était commissaire du roi pour toutes les affaires du peuple. Dans les villages et leurs territoires, des filles de Judas s'établirent à Kirja Arba et dans les lieux de son ressort à Dibon et dans les lieux de son ressort à Jekabsel et dans les villes de son ressort à Shekoua, à Moulada, à Beth Palet, à Tsar Shual, à Ber Sheba et dans les lieux de son ressort Tsiklag et Mekona et dans les lieux de son ressort An Rimon, à Tsorea, à Jarmout, à Zanoach, à Adoulan et dans les villes de leur ressort à Lachis et dans son territoire, à Azeka et dans les lieux de son ressort. Ils s'établirent depuis Beersheba jusqu'à la vallée de Himnon. Les fils de Benjamin s'établirent depuis Geba, à Mikmash, à Aja, à Bethel et dans les lieux de son ressort, à Anatot, à Nob, à Anania, à Atsor, à Rama, à Gitaïm, à Adid, à Tseboïm, à Nebaliat, à Lod et à Ono, la vallée des ouvriers. Il y a des Lévites qui se joignirent à Benjamin, quoique appartenant aux divisions de Juda. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce passage. Première vérité, Dieu a prévu une propriété pour chacun de nous. Dieu n'oublie personne. Je vais parler à quelqu'un. C'est vrai. Dans le partage de l'héritage au niveau de la famille, tu sembles être méprisé, tu sembles être négligé. Mais j'aimerais te dire, dans l'héritage céleste, Dieu a une part pour chacun. Même si dans ta famille, les gens t'ont méprisé, mais pour Dieu, tu as une propriété. Il a prévu quelque chose pour ta vie. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Regarde ici, lors de la répartition des villes, personne n'a été oublié. On a prévu une ville ou bien d'un territoire pour chaque personne. Ça montre que chaque personne, chaque tribu est importante devant Dieu. Le verset 1 dit, les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Les restes du peuple tira au sort pour qu'un sur 10 vint habiter à Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans leur ville. Donc, tout le monde avait une place dans sa ville. Deuxième vérité. Nous avons besoin d'une bonne organisation de la maison de Dieu. Quand nous lisons ce passage, nous voyons que les choses étaient bien organisées. On savait qui faisait quoi, qui s'occupait de quoi et qui était le chef de qui. Ça, c'est la bonne organisation, la bonne structure. La maison de Dieu ne doit pas être médiocre. Parfois, nous avons des problèmes. Dans l'église aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un désordre. Parce que chacun ne sait pas quel est son rôle. Regardez ici. Quand on voit bien, on voit qu'il y avait des chefs de province. Verset 3 dit, voici les chefs de province qui s'établirent à Jérusalem. Dans les villes de Juda, chacun s'établit dans sa propriété. On parle également au verset 12 qu'il y avait des gens qui étaient occupés au service. Il est dit, et leurs frères occupés au service de la maison. 822. On parle également des chefs de maison paternelle. Verset 13. Et ses frères, chefs de maison paternelle, 242. Il y avait des gens qui étaient chargés des affaires extérieures de la maison de Dieu. C'est l'équivalent d'aujourd'hui, ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire, il faut que la maison de Dieu, l'église ne doit pas être close. Il faut être en contact avec d'autres personnes, avec d'autres structures. Il y avait des gens chargés des affaires extérieures. Verset 16 dit, Sheba, Shebetai et Josabad, chargé des affaires extérieures de la maison de Dieu et faisant partie des chefs des Lévites. Vous voyez, des hommes de Dieu peuvent être polyvalents. C'est-à-dire que je suis consacré dans le ministère, mais dans l'organisation, dans l'administration, je peux m'occuper de quelque chose, d'une tâche particulière. Le verset 17 parle des chefs, des gens qui entonnaient la louange. Vous voyez, les gens étaient bien organisés. Verset 17 dit, Matania, fille de Miché, fille de Zabdi, fille d'Azaph, les chefs qui entonnaient la louange à la prière. Ce n'est pas n'importe qui conduit la prière ou la louange. Il y a quelqu'un qui est chargé. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui les chefs de chœur. Donc c'est bien organisé. Il y avait des gardiens des portes du temple. Le verset 19 dit, et les portiers Akub, Talmon et leurs frères gardiens des portes, 172. Même les Lévites, les serviteurs de Dieu, de la tribu de Lévi, ils avaient leur chef. Verset 22 dit, les chefs des Lévites à Jérusalem étaient Uzi, fille de Bani, fille de Akabia, fille de Matania, fille de Miché, d'entre les filles d'Azaph, des chantres chargés des offices de la maison de Dieu. L'ordre est important dans la maison de Dieu, car notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Troisième vérité, nous devons penser à la rémunération de ceux qui travaillent dans la maison de Dieu. Pendant ce temps-là, il y a les Lévites. Les chantres étaient rémunérés. Vous voyez, la Bible dit « l'ouvrier mérite son salaire ». Dans certaines églises, on néglige les salaires des hommes de Dieu et de ceux qui travaillent dans la maison. L'ouvrier mérite son salaire. Quand on parle souvent de l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui voient seulement l'organisation, ils voient l'église en tant que personne morale, mais ils ne voient pas les individus qui travaillent au sein de l'église ou au sein de l'organisation. Vous voyez? Il est dit ici, au verset 23, « Car il y avait un ordre du roi concernant les chantres et un salaire fixe leur était accordé pour chaque jour. » Un ordre du roi. Voilà pourquoi dans certains pays même, ils ont compris l'importance de soutenir même les hommes de Dieu. Pour certains, ce sont des prêtres, pour d'autres, ce sont des pasteurs. Ça dépend de l'organisation du pays. Mais les gens ont compris que quand on soutient les hommes de Dieu, ceux qui travaillent pour l'œuvre de Dieu, parce qu'ils vont, ils font même un rôle de moralisation de la société, ils contribuent par leur ministère, par ce qu'ils font à la cohésion sociale. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Les cœurs humains, il est plus grand que les espaces, même à la vie, il nous attend pour les péchés de l'autre monde. Dieu nous donna Jésus, il nous pardonne, ô paix profonde, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser des langues dans tous les ondes, change le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous direz tout l'amour du Père verrait arriver. Les hommes et remplirait les places entières de ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ce trône. Ce roi, quand trembleront tous rebelle, soudain saisi d'un grand effroi. L'amour de Dieu, que rien n'élasse pour nous encore, vivra. C'est le miracle de sa grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est les chants que font entendre les anges. Alléluia. Élevons ensemble nos voix. Bénissons l'Éternel, lui qui nous parle, lui qui nous donne toutes ses vérités, afin que nous puissions mieux le connaître et le servir. Je te bénis, Éternel, notre Dieu, notre Père, toi, notre rémunérateur. Sois béni, ô notre Père, toi, le Dieu qui rémunère tous ceux qui te cherchent. Tu es le Dieu fidèle, fidèle dans tes promesses. Tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es celui qui nous rétablit dans nos droits. Tu nous réhabilites, ô Éternel, notre Dieu, notre Seigneur. Tu es celui qui nous paye, Seigneur, conformément à ce que tu as décidé de nous donner comme salaire. C'est toi qui es notre salaire. C'est toi qui es notre bénéfice. C'est toi qui es notre profit, ô Éternel, notre Dieu. C'est pourquoi nous t'élevons et nous nous confions à toi seul, notre Père, notre Seigneur. Car c'est toi seul qui peux nous rémunérer convenablement. Béni sois-tu, ô notre Seigneur, notre Dieu. Toi, le Dieu qui nous connaît et qui pourvoit à tous nos besoins selon ta grande richesse. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Le texte du jour, c'est Néhémie 11, 1 à 36. Il y a une application Fréquence Vie que vous pouvez télécharger sur Android. Il suffit de consulter Google, Play Store et vous allez taper Radio Fréquence Vie et puis vous allez télécharger quelque part, c'est dit installer. Et vous installez, si vous avez un téléphone Android ou une tablette, vous pouvez avoir l'icône, c'est-à-dire que pour cliquer facilement pour écouter Fréquence Vie si vous êtes connecté à l'Internet. Nous venons de voir que Dieu a prévu une propriété pour chacun de nous. Tu vas prier pour dire, Seigneur, je réclame ma part de l'héritage. Même si les gens m'oublient, même si dans ma famille on m'oublie, même si dans mon entreprise on m'oublie, mais toi tu ne m'oublies pas. Prions pour réclamer chacun notre part d'héritage au nom de Jésus. Sur la brèche, la Tendre Père, nous te bénissons et nous te glorifions ce matin. Nous te bénissons et nous te glorifions parce que ton amour nous environne chaque jour. Nous te bénissons et nous te glorifions parce que tu nous gardes et tu viens à notre secours en temps de détresse. Ce matin, ô Père éternel, nous prions et nous demandons que notre héritage, ce que tu as prévu pour nous, se manifeste, soit une réalité. Donne-nous la force, ô Père éternel, pour entrer dans nos bénédictions, pour entrer dans le plan que tu as prévu pour nous sur cette terre. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous demandons un héritage d'équipement, un héritage de fortification, un héritage d'habilitation afin de pouvoir conduis à bon port le plan que tu as prévu pour nous. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous disons merci Père éternel, parce que non seulement tu nous aimes chaque jour, mais tu pourvois nos besoins et tu nous donnes la force, tu nous donnes les moyens d'entrer dans notre héritage, de contribuer à l'avancement de ton œuvre. Merci Père éternel. Merci parce que tu délivres ceux qui sont dans la captivité. Merci parce que tu relèves ceux qui sont abaissés. Merci parce que tu donnes du courage à ceux qui sont découragés. Merci Père éternel parce que ce matin est un jour exceptionnel et tu as prévu de grandes choses pour nous à la gloire de ton nom. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide au niveau de nos églises, de nos œuvres chrétiennes à être bien organisées comme ce fut le cas de la maison de Dieu et d'Israël au temps de Néhémie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie ce matin parce que tu nous donnes le souffle de vie. Alléluia. Pour pouvoir lever la voix vers toi. Amen. Pour te célébrer, pour te psalmodier, pour t'adorer, pour reconnaître ta seigneurie, ton autorité, Seigneur. À toi la gloire. Merci Père, parce que tu as dit dans ta parole dans Éphésiens 4 à partir du verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça nous parle de l'organisation. Chaque chose a sa place, chaque personne a sa place dans la maison de Dieu. Nous voulons t'apporter nos organisations chrétiennes, nos églises, nos structures chrétiennes, afin que ton esprit suscite des hommes, pour que l'ordre soit établi, parce que tu es un Dieu d'ordre. Amen. Nous te supplions, Seigneur, que le désordre soit banni au nom de Jésus-Christ, que les problèmes de leadership soient chassés du milieu de nous, à ne pas occuper là où Dieu nous a pas ne nous permet pas de nous installer, à reconnaître la valeur des uns des autres, Seigneur. Que le tribalisme, que le nationalisme, que toute forme de xénophobie soit bannie au milieu de nous, Seigneur. Nous croyons à ta parole. Gloire à toi ce matin, parce que tu le fais par l'action de ton esprit au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que nous puissions penser à la rémunération de tous ceux qui œuvrent dans la maison de Dieu, particulièrement aux serviteurs de Dieu. Nous allons prier pour ceux qui sont mal rémunérés, dont les familles souffrent, dont les enfants disent « ça ne vaut pas la peine que mon papa soit pasteur, ça ne vaut pas la peine que ma maman puisse servir le Seigneur ». Nous allons prier pour que le Seigneur puisse réellement toucher les membres de l'Église, les structures, afin que les salaires, afin que les pasteurs soient même déclarés à la CNPS, afin qu'on puisse penser à leur vie, à leur avenir, à leurs enfants, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Adorable Père, ce matin, nous bénissons ton nom, nous magnifions ta grandeur, ta sagesse, ta puissance, ta dignité. C'est toi qui as mis à part ces serviteurs, c'est toi qui les as appelés pour que ton œuvre avance. C'est toi qui les a distingués. C'est toi, Seigneur, qui les a oints. C'est pour cela que nous bénissons, oui, ton nom pour tous ceux qui ont accepté l'appel, tous ceux qui sont en plein temps et tous ceux qui te servent. Oh Dieu, il est écrit qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Il est écrit que l'ouvrier mérite son salaire. Mais aujourd'hui, dans certaines congrégations, dans certaines assemblées, les pasteurs ne sont pas rémunérés comme ils se doivent. Et souvent, Seigneur, leurs enfants, leurs épouses regrettent, oui, mijotent des complots parce que papa, ils ne reçoivent pas comme ils se doivent le travail de leur papa biologique. Seigneur, aide-les. Touche, Seigneur, les structures chrétiennes pour que les pasteurs soient annoncés comme des véritables serviteurs en leur donnant ce qu'il faut pour que, Seigneur, dans leur affliction, ils puissent être pris en charge, dans leurs activités, ils puissent pouvoir tous leurs besoins. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rappeler notre grand rendez-vous spécial OSP Jéricho, dont le jeûne va commencer dimanche prochain, c'est-à-dire dimanche 1er mai. Les livrets sont déjà là. Toi qui n'as pas encore ton livret de jeûne, viens rapidement à Fréquence Vie pour payer ton livret à 500 francs. Le jeûne sera clôturé le samedi 7 mai 2016 à l'église centrale d'Assemblée de Dieu d'Adjamé. Ne manquez pas ce rendez-vous important. Mais nous rappelons que nous aurons notre rencontre bonheur conjugal pour le couple marié. Au CPE, ce dimanche à partir de 17h, thème, la puissance du pardon dans un couple. Venez et nous allons prier pour tous les couples qui ont des problèmes de pardon. Au nom de Jésus-Christ, l'entrée est libre. Au revoir et à demain.